Samedi 8 septembre, 1h, des soupirs dans la nuit. Il doit être 1h du matin, plus ou moins. Ici je n'ai pas de montre et rien qui me dit l'heure. Cette fois-ci ce ne sont pourtant pas les hurlements des cellules d'à côté qui m'ont réveillé. J'ai bien pris soin, hier soir, de mettre du PQ dans les oreilles en guise de boule qui est pour ne pas être trop dérangé. Je me suis endormie tranquille, rassurée par la présence de Patrick, mon nouveau compagnon de détention. Les tapages extérieurs m'ont paru moins terribles. La nuit est douce. Une première nuit en paix. La première depuis mon arrestation. À demi réveillée, à présent, je garde les yeux fermés. J'entends. J'entends des halètements et des soupirs. C'est bien ça qui m'a réveillée. Des halètements et des soupirs. Je me retourne et j'ouvre un œil. Ça vient de la télé qui est encore allumée, c'est le film porno de Canal+. Je jette un coup d'œil rapide pour m'en convaincre. Pas de doute, c'est bien ça. Je n'ai pas le cœur à ce genre d'ouvrage. Je ferme les yeux à nouveau, et je tente de m'extraire de ce scénario, où je désire être ni acteur, ni spectateur. Tout est immobile pour le reste. Dans la cellule rien ni personne ne bouge. Mais avec ça à la télé, pas moyen de dormir. Au bout de quelques minutes, j'entends un léger ronronnement venant d'en dessous. Je décide de me pencher par-dessus ma couchette. Un étage plus bas, seulement éclairé par les lueurs du film de cul. Patrick dort comme un ange. Une cuisse déborde de son drap, et il tient toujours la télécommande. Il a dû s'endormir devant, ou avant le film porno. Je descends les étages le plus discrètement possible. À la clarté des images qui me servent de lanterne, je vais pisser à ciel ouvert. Je bois un verre d'eau que je me sers au lavabo. Puis j'éteins la télé, directement sur le bord de l'écran. Je remonte ensuite me coucher. Patrick s'est endormi son doudou à la main.